Europe 2. Koé. L'émission qui déchire sa race. Salut, c'est Koé. Merci d'être plus de 2 millions d'adistrophes à nous écouter chaque matin. Mais je ne suis pas tout seul, il y a toute l'équipe avec moi. Il y a lui aussi. Comment ça va, toute l'équipe? Ouais, bon, ça va. Et il y a moi. Et en parlant de moi, qu'est-ce qu'on trouve pas dans le commerce en ce moment? Le TV Schtroumpf de Koé, mais c'est moi! Dans lequel vous retrouvez Koé et Clara Mort Schtroumpf. Koé contre Yogi Gou Schtroumpf. Koé en Amérique. Koé contre les hommes araignées. Koé sur Rebi. La revanche du Koé à plumes. Le retour du Koé. Koé dans l'espace. Koé dans ton trou du cul. Écarte les cuisses que je marque à Koé. Koé. Encore du Koé. Un DVD tourné, monté, assemblé, découpé, acheté et vendu par Koé. Thierry Ardisson, qu'est-ce que t'en penses, t'es d'accord? Ouais. Comment j'ai pas compris? Ouais. Mais pour l'instant, on s'écoute Koé président, à tout de suite. Zinedine Zistroumpf qui déborde sur la gauche avec le ballon au pied, il centre sur la tête d'Emmanuel Schtroumpf. Goal ! Phénoménal ! Un magnifique Schtroumpf de la tête. Oulala ! Oh Zistroumpf ! Ce que tu nous fais là, Zistroumpf ! Il jaillit du bout du terrain. Oulala ! Oulala !